Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! Salut les accros, c'est le Big Ben! C'est Antithèse! Rétro Gamer PQ! Marie-Lune qui a oublié d'enclencher son métro. Mon métro, vas-y. C'est Marie-Lune. Pour le podcast de Zacro, nous sommes l'édition du 25 février 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Eh, ça va merveilleusement bien. Ça va toujours bien quand j'ai du café dans les mains. Ah, ça c'est très sage, ça. Je suis un collègue. Ça va très très très bien, puis vous autres? Moi, ça va bien. Surtout parce que j'ai un mélange de peanuts et de M&M au chocolat noir, ce qui me met prêt à faire le podcast des accros avec vous autres en ce lundi soir où il y a du hockey et on n'écoute pas ça nous autres. C'est poche le hockey. Le hockey c'est de la merde. Le podcast des accros. C'est bien mieux. C'est plus spécial. Ouais, pas mal. C'est ouf. En passant, si jamais vous écoutez en différé ou vous écoutez live, vous pouvez nous suivre directement sur Twitter en utilisant le hashtag accro des jeux. Vous pouvez également nous jaser sur YouTube. On va essayer de regarder les messages. C'est pas évident. Des fois, YouTube, il n'y a pas l'air à vouloir loader les messages rapidement. Mais l'équipe va regarder les deux chats pour être sûr de bien vous prendre et d'essayer de prendre les meilleurs commentaires au courant du show. Alors, à quoi vous jouez ces derniers temps, la gang? Ou avez-vous écouté un film en particulier? On va commencer avec PL. Non! Et en même temps, pour tester le jeu, puis en même temps, pour faire ma critique qui va sortir, je pense, depuis la fin de la semaine, j'ai commencé à jouer à Blaster. Finalement, j'ai joué à Blaster Master Last Again sur PS1. Ni par faire ça, par le faire. Comme récemment, je me suis procuré Red Steel 2. J'essaie d'expérimenter le jeu du mieux que je peux également. Sinon, c'est surtout du Fruit Ninja, puis du. Sur mon Android, ou du Flow sur mon Android. Ou, sinon, c'est. Xenonia sur ma 3DS. Et prochainement, faudrait que je me réattaque à Shantae. Et, si je peux me permettre, le 5 mars. Oh, le fatigue 5 mars! Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate. Tous les jeux auxquels que je joue vont prendre le bord. Je ne vais que me focaliser que sur Castlevania. Et même WoW va prendre le bord. Et voilà. Exceptionnellement, de la part de Retro Gamer, qui, ces temps-ci, mon cher, tu m'impressionnes, moi et Marie. Et je vais dire, je vais laisser Marie jaser à propos de ta situation, parce que c'est elle qui l'a décrit le mieux en fin de semaine. Je me log en fin de semaine et je vois Sylvain sur un nouveau personnage, une elfe druide mage. Mais non, une night elf mage. Là, je fais comme, ah, t'avais un autre personnage que je connaissais pas, cool. Oh non, je l'ai commencé jeudi. Sauf que le fameux jeudi, la première journée que je l'ai croisé était au niveau 24 et le lendemain au niveau 46. Tu m'as pas croisé aujourd'hui, hein? Je suis pas venu, je travaille, moi, tu sais! Moi aussi! 64 aujourd'hui. Oh my god! Sans commentaire? En deux jours! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Absolument rien, j'ai été no live toute la fin de semaine. Okay. Je me demande même s'il a dormi. Oui, ben là, oui, j'ai dormi. C'est des situations de conjoint oblige. C'est des choses que t'as pas le choix de faire. Tout à fait. Alors, est-ce que t'as réussi à jouer à d'autres choses rétro à part à WoW? Oui, j'ai commencé Dead Space 1. J'avoue que c'est un des jeux que j'ai jamais embarqué encore. Non, ben, tout le monde n'aurait pas de dire que c'était peurant. Mais à date, je trouve que c'est des sauts cheap shots, là, mais écoute. J'ai pas fait vraiment de saut, ben avoir peur. Alors, le jeu est bien cool, c'est bien beau, mais il n'y a rien de vraiment épeurant là-dedans ou horrifiant. Pour moi, c'est du réchauffé. C'est des affaires qu'on voit tout le temps dans les films. D'ailleurs, les films d'horreur, ça me fait rire. Fait que... Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Ils ont sorti la bande-annonce de Evil Dead où tu peux te faire filmer pendant que tu l'écoutes. Puis il y a du monde qui dit enregistrez vos frousses et vous pouvez le partager avec vos amis. Moi, j'étais comme sérieux, là. Tabarnak. Je peux t'en témoigner, Ben se bidonnait en regardant le trailer du nouveau prochain Evil Dead. Ben moi je suis comme ça, j'en écoute depuis que je suis tellement petit que ouais. À cette heure les films d'horreur ça me fait pas peur, c'est très rare que ça me fait peur. Pour réussir à m'affecter un peu les films d'horreur, faut que t'ailles jouer avec mes émotions. Faut que t'ailles jouer avec ouais. Tu sais, avec ce que avec du vécu ou avec genre des situations où j'ai vraiment pas envie de vivre là. Écoute, j'ai eu le film où j'ai eu le plus la chienne ces derniers temps là, c'est bizarre à dire, c'est quasiment plus un suspense drame, c'est Enterré. Avec Ryan Reynolds. Où est-ce qu'il est enfermé dans un cercueil? N'importe qui devient claustrophobe après ça. Moi, je suis claustrophobe, là. Fait que, imagine-toi, je voyais ce film-là, j'étais comme, ah, oh, tabarnak, faut qu'il trouve une façon de sortir de là, là. Parce que moi non plus, je serais probable, là, je capoterais, là. Et le seul film que j'ai friqué, c'est Ju-On. Lequel? Ju-On, c'est la version originale de The Grudge, là, japonaise. Ah, ok. Ah non, ça, je l'ai jamais vu encore. J'ai jamais vu ça. Faut que vous tapiez l'original, puis l'autre qui vient après, mais l'original avec sous-titré, là. Oui, les originaux. C'est assez friquant, sérieux. C'est à peu près les seuls films qui m'ont fait friquer. C'est efficace. C'est très efficace comme film. C'est pas à dire. Moi, c'était Ringo qui m'avait fait de quoi à l'époque, mais ça fait, quoi, quasiment 10 ans? 10 ans, le cercle? J'avais vu Ringo, parce qu'il avait sorti Ringo, puis le DVD du cercle en même temps. J'avais écouté ça, j'étais comme, ah, oh, c'est bon. Il y a notre ami Rad qui dit que le film où il est le plus rigolé, c'est Paranormal Activity. Mais, je l'ai jamais vu, c'est ça le pire. Tout le monde en parle, je suis comme, non, t'intéresse pas. Depuis que j'ai vu le projet Blair, là, je suis comme, J'étais tellement là, j'étais en tabarnak quand j'ai vu ce film-là, j'avais envie de me faire rembourser quand je suis sorti de là. Mais moi, je suis sorti durant le Witch Project en plein milieu du film parce que je sais quoi, cette marde-là. Moi, je paye 10$ pour rentrer ici avec un film de marde filmé sur l'épaule d'un gars, j'ai rien à foutre là. C'est même pas épeurant, c'est juste du monde qui se promène dans une forêt. Là. Tout à fait, puis ça crie partout, puis tu vois la caméra bouger de partout. J'ai même vu un gars qui avait mal au cœur à côté de moi, là. C'est tout. Je pourrais même le faire écouter à Marie, je suis sûr qu'elle partirait à rire. Puis Marie, elle écoute vraiment pas de films d'horreur. D'abord, c'est un petit peu dans le même style qu'a fait Hunger Games dans le premier film, que la caméra shakeait tout le temps. Au fond, on sait ça. Non, c'est pire que ça, Marie. Sérieusement, il essaie de te faire accroire une histoire, mais on n'embarque pas dedans. C'est vraiment... C'est comme si moi, là, je partais avec ma caméra, là. Puis là, j'étais dans mon appart, là. Et je courais, là, pis tout ce que tu verrais, c'est moi qui tourne la caméra, qui regarde quelque chose, pis... mon Dieu, je suis en train de couler du nez! C'est effectivement ça. Moi, ça va être la fameuse scène de Scary Movie. Genre. c'était quelque chose. Ben, écoutez, pour revenir à ce qu'on a joué cette semaine, ben, écoutez, moi, ces derniers temps, ben, je joue encore avec le cadeau à Mary qu'elle m'a acheté pour ma fête. Le fameux Mass Effect Trilogy sur PS3. Très bien investi ce cadeau. Très bien investi. Je passe énormément de temps dessus et j'ai vraiment du fun. Bon, il y a quelques bugs par rapport à la version PS3 parce qu'il y a eu des bugs où ça fige. Normalement, qu'il n'y avait pas sa Xbox 360. Mais c'est correct. Je suis capable de jouer avec sans problème. Et sinon, à part ça, c'est assez tranquille. J'ai fait une gaffe, les gars. Et Marie. J'ai acheté un jeu que vous m'aviez déjà conseillé de jamais acheter. J'ai acheté Castlevania sur Game Boy Advance, sur Game Boy qui était sorti en 89, là. Le premier jeu de Castlevania, là. J'ai acheté sur 3DS. Ouais, Adventure. T'aurais pu au moins l'acheter sur la WiiWare, elle est déjà pas mal meilleure. Je sais, mais j'étais chez mes parents, c'était tranquille, j'avais rien à faire. Je dis, ah, je vais l'acheter, c'était pas cher, 2$, tu sais. Pas 2$. Il était 2-3$. 2-3$. Parlant d'achat, Marie, si tu veux le premier Skylanders sur 3DS, là, pas cher, 40$ au Best Buy. Je commence à dire. Merci pour le conseil. Ceux qui veulent savoir la petite histoire, c'est que Marie, ça la démange de jouer à Skylanders. Ça fait plusieurs semaines qu'elle jase. Mais sans que ce serait le fun de l'acheter. Sans que ce serait le fun de l'acheter. Moi, je suis comme. Je sais qu'elle va dépenser de l'argent. Marie, quand elle est accrochée à quelque chose, elle est très, très, très investie là-dedans. Écoute, je ne peux que la supporter. Dit l'ambassadeur de Skylander. Oui, l'officiel ambassadeur des Skylanders, mis à part Giger, qui commence lui aussi. Qui commence, et il est rendu accro. Lui. Ah oui, il en a acheté pas mal, ça a l'air. La manière qu'il jase, en tout cas, sur le forum, là, ça, il a l'air d'en avoir acheté pas mal. Ouais, c'est il me blâme tout le temps. Ben, regarde, je peux te blâmer pour ce que tu as fait avec Mary. mais bon, c'est pas grave. En passant, ben merci beaucoup à la gang qui sont sur YouTube. On a notre cher Shadix qui est là. Rad est présentement ici aussi. Salut Shadix! Alors, salut la gang que vous êtes toutes sur Twitter. Pas sur Twitter, mais sur YouTube. On va essayer de vous regarder le plus possible. Sinon, à part ça, je joue beaucoup à WoW. Moi et tout. J'ai atteint mon niveau 90 avec ma chamane. Et ça a valu une très, très, très, très belle réaction hier de la part de Big Ben. Est-ce qu'il va la refaire? C'est parce que c'est plate parce que les mondes qui nous regardent pas live pourront pas voir la réaction. Mais vous pourrez peut-être m'entendre. Je le fais dessus. Fait. Ok, fait. On le Je fait. Me prépare. Ok. Fait que pour ceux qui sont live, regardez la caméra à Marie-Lune, OK? Moi, entre-temps, je risque de faire une réaction bizarre. Désolé pour ceux qui ne nous voient pas. Je pense qu'il va y avoir une petite description des trois après. Baissez le son en passant, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça que j'ai enduré. Ouais. J'étais content. Pour ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent savoir, moi c'est que j'ai pris ça. J'ai vu dans c'est une vidéo de Noob où est-ce que le personnage atteint son niveau final puis lui et son frère sont comme tellement contents qu'ils font des niaiseries à tour de bras sur la caméra. Fait que ça m'a inspiré. Ce qui beaucoup. Reste chez le pape, ce qui était fait chez le pape, reste chez le pape. Fait que ça a été assez spécial. Fait qu'on a eu beaucoup de fun, mais c'est ça. J'ai joué beaucoup à ça. J'avoue, côté cinéma, écouter des films, j'avais pas tant écouté que ça ces derniers temps. Ben, il y a beaucoup de films qui sortent au mois de mars, fait qu'on va regarder ça prochainement. À part ça, je pense que c'est tout. On va commencer avec les nouvelles. Et j'avais envie de commencer avec vous autres à jaser du nouveau service de Vidéotron, leur fameux service Netflix Vidéo Club à volonté. Je voulais avoir vos opinions, les gars, puis Marie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ce service-là? La grosse concurrence à Netflix ou bien ça risque de faire patate? Ça dépend ce qu'ils offrent. Ouais, c'est quoi qu'il y a? Peut-être quelque chose de similaire, puis ils font encore quelque chose de similaire, du moins ils essayent, fait que. Ben, en gros, c'est que. Compétition. En gros, ce qu'ils offrent, c'est plusieurs séries québécoises, beaucoup de films qui sont à peu près 1 à 2 ans vieux, mettons, et en français. La plupart sont toutes en français, comparé à Netflix, qui ont beaucoup, beaucoup de misère à nous sortir des films en français. Mettons que l'affaire qui m'agace le plus, c'est que Netflix arrive, il dit, Vidéotron, disent, vous voulez écouter Les Filles de Colette quand ça vous tente? Ben, vous avez le club à volonté! Ouh, les filles de Caleb à volonté! C'est quoi? C'est pas discriminatoire, là. Il y a des petites madames qui aiment ça. Je sais, mais c'est pas la meilleure vendeur, tu sais. Tu veux pas. Mettons, t'aurais pu dire 19-2 ou je sais pas quoi, tu sais. Le nouveau service de Vidéotron super technologique qui suit la nouvelle vague, les filles de Caleb en primeur. Ta-ta-ta. Ouais, ça a fait quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup agacé. En tout cas, à mon avis, là, j'étais comme... Il aurait pu se forcer. Sérieux, là. On pourrait offrir au moins des films américains plus que juste du québécois aussi, parce que ça va peut-être moins attirer les gens. Il n'y a rien au Québec qui est intéressant. Ou pratiquement, ouais, c'est ça. Puis on... Quand je peux dire ça? Si on veut que ça rentre au Québec, le problème, la formule du québécois, c'est... Mais il faut que ça parle de hockey. Absolument. Meilleur exemple, les boys, bon cop, bad cop, c'est toutes des filles qui ont été des parmi les plus grands succès, puis ça parlait de quoi surtout? De hockey. Ouais, mais... Ça parle pas de hockey, la SODEC va pas le backer, puis ça parle pas de... Ou même l'ONF va pas le backer, ça parle pas de culture, ça va pas être backé, fait que ça va être le doigt du milieu, puis sinon, ben, distribue-le toi-même ton film, produis-le toi-même ton film. Le gros problème, là, c'est qu'ils chialent que les films québécois pognent pas assez au cinéma, mais ils font des gros, des films d'auteur, pis des, le même maudit calice de patente de drame familial, qu'on fait depuis je sais pas combien de temps. Le monde s'en calisse de ça, sérieux, là. Comédie, tout pareil, redondant. Ben, c'est la même calisse de patente, c'est toujours resté côté, pis les autres, ils sont toujours dans la même calisse de film à chaque fois. Ou bien t'as un chef-d'œuvre, supposément, de Xavier Dolan, où il se questionne sur la vie. Pendant 2h30. Il est peut-être pas sur la vie, il est prétentieux. Ils font pas des films pour le public général au Québec. Ils font des films pour masturber eux-mêmes. Moi, le dire carrément, là, je peux te donner d'être vulgaire, là, mais c'est ça. C'est de la merde. Merci. Il manque de quoi dans le cinéma québécois, sérieusement, là. Faut voir qu'ils se battent le cul et qu'ils comprennent. Il manque de guts. Ça manque. Il manque de guts. Regarde, j'ai failli triper. Quand j'ai vu, il y avait un film québécois de science-fiction qui sortait il y a quoi, peut-être une couple de mois tout ça, avec Paul Arimatti. Ça va, le visuel est très beau, mais toi, t'es pas là. Il manquait de la science-fiction. Ouais, il manque de science-fiction, puis il manque d'horreur au Québec. Parce que c'est du budget, puis ouh. Non, budget. Hey, arrête, budget, je veux dire, n'importe qui là qui a une caméra qui a moyennement au moins 1000 piastres d'équipement, hein, capable de faire quelque chose mieux que la plupart des films québécois. Là. Puis, hey, écoute, moi, Marie, elle sait avec moi, là, quand on est allé voir le poids de la bête, comment je suis parti à rire. Ils ont deux loups-garous dans le film, ok? Je vais briser des punches, mais je m'en calisse, le film il est tellement plate, allez pas le voir. Il a été oublié déjà le film, fait que by the way, c'est pas grave. L'idée est intéressante. L'idée est intéressante, ok? Un film de loup-garou au Québec, ça aurait pu être cool. Moi, ce qui a brisé mon fun, c'est que t'as un loup-garou en 3D, qui est pas pire, et un gars en soute. T'as deux, ce style de loup-garou. Pourquoi t'es pas capable d'en faire deux en CGI ou deux en costume? Et où la constante? Puis que ce soit crédible quelque part aussi, tu sais. Tu perds ta cape. C'est, non, tu sais plus qu'à suivre le film. Quand t'as deux esthétiques différentes. Ah, affreux. Pas juste ça. La raison qu'ils ont sorti pour dire pourquoi qu'il y avait deux loups-garous, ben, comment que les loups-garous étaient faits, c'est qu'un gars a décidé de fourrer un loup. Pardon? C'est ça le but. Il y a des loups-garous parce qu'il y a un gars qui a fourré un loup. Bon, je savais que notre cinéma québécois aimait beaucoup se questionner sur son identité nationale, là, à la tour de bras, mais je savais pas qu'il fallait aussi qu'il se questionne sur son identité sexuelle. Non. Non, mais... C'était vraiment horrible comme idée. Puis... Effectivement. Sauf que je peux me permettre une recommandation ou des recommandations de films québécois. Parce que nous, ok, on est surtout bon plus dans les documentaires, mais tu sais, films de fiction. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes capable de le trouver un moment donné, je pense que cette séance de film s'appelle Requiem de Bianco Chanteur avec Gilda Roy. Gilda Roy. Ouais, mais son film, ouais, mais dans un Requiem pour un beau sans cœur, Il est très bon actuellement. Je peux vous le recommander. Pourquoi les Un des seuls films québécois personnellement que j'aime, c'est Crazy. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu qui est aussi recommandé, qui a été aussi populaire selon moi, mais c'est plate que ce soit un film qui est sorti il y a plusieurs années, ouais. Qui selon moi est un de mes préférés. Parce qu'il y a tellement de sorties, il y a tellement sorti de films québécois depuis Crazy que moi dire allô, c'est Crazy qui est mon préféré encore à ce jour en 2013. T'en dis long. Exact. Voyez-vous, en ce moment sur YouTube, on a notre cher Tai qui nous dit qui est allé voir Ismezak et qui a dit que c'était de la merde. Alors, ça là-dessus, je peux te croire. Et sinon, on a Rad qui nous dit « Ne dites pas qu'au Québec, il n'y a rien. En France, je suis obligé de regarder Inspecteur Derrick et de A-Team tous les jours. » Ah, il manque de stock chez vous, je pense, hein? Oui, en France, que Rad me corrige au pire, il me semble qu'ils sont toujours il y a un certain décalage avec le cinéma nord-américain d'à peu près, 4 à 6 mois. Et on parle de A-Team. La A-Team, si je me souviens, c'était une série des années 80. J'ai une question. Pourquoi est-ce que Sylvain Langlois est devenu une petite souris? C'est pas une souris, c'est un ours. En tout cas, un ours souris bizarre. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on jase, parce que dans les caméras, notre cher Sylvain a décidé de mettre des visages de lui qui bouge et qui parle. Alors, c'est bizarre, mais on va s'habituer. Alors, on va embarquer côté nouvelles. Je pense que, il y a quand même des grosses nouvelles par rapport à une console en particulier. Mm-hmm. Et je pense qu'on est prêt à bâcher dessus. Mes amis sont prêts. Marie-Lune même, elle se sent agressive aujourd'hui. Pour parler de la PlayStation 4. Ah, oh, mon Dieu. Préparez-vous parce qu'on a beaucoup de merde qui s'en vient. Beaucoup de nouvelles. Alors, pour commencer, écoutez, je pense que vous avez en général un peu vu la conférence. On n'a pas appris grand-chose. Totalement. De mon avis personnel, j'ai rien appris de quelque chose qui allait m'épater. Mais, préparez-vous, j'ai mon sac de merde avec moi. Et je commence. Go. Ça pue un peu. Alors, le PSN pourrait ne pas être gratuit sur PS4, comme la Xbox 360. Ah, mon Dieu. Mais, ça, je suis un petit peu partagé là-dessus. Pourquoi? Parce que, oui, tu payes, mais en même temps, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir un meilleur service sur Xbox Live que sur... Moi, je te dirais, ce que j'aimais de PSN, puis pourquoi je l'ai payé pendant un temps, c'est que sur PSN, tu avais un service gratuit qui te donnait, est-ce qu'on parle, l'update automatique sur ta console, tu avais des jeux gratuits, tu sais. Tu avais un modèle de base, tu voulais jouer sur Internet, c'est correct, mais si tu voulais avoir des petits plus, tu payais un petit peu plus, mais tu avais quelque chose qui avait de l'allure, tu sais. Tandis que là, à Xbox, toi, c'est comme, « Hey, tu peux jouer sur Internet! » Pour qu'à 60 quelques piastres par année. Ben, attends, 60 piastres par année. Mais c'est pas si pire, sauf que quand on fait les comparaisons entre la gratuité et ils payent 60$. Ouais, c'est sûr. Ça revient à dire, c'est quoi l'investissement que tu veux faire toi-même dans tes... Mais, tu sais, belle, pas cher, mais parce que le service c'est de la merde, je le prendrais pas. Tout à fait. Pour ça que j'ai retourné de bord un vendeur la semaine passée. Yes! Ah, j'ai du fun avec eux autres. Désolé, Belle, mais on vous apprécie pas. Fuck you! Vous savez, la console n'est pas rétrocompatible, ni ça, avec PS1, PS2, ni PS3. Et ils vont vous proposer à la place de streamer les jeux. Des cons! Donc, enfin, t'achètes le jeu pour le jouer stream. C'est ça avec mon ancien coloc, puis lui, il trouvait l'idée intéressante. Moi, j'y ai dit, sauf comme. Tu sais, que tu t'as dit, c'est parce que. Ça fait quoi du streaming? Qui veut expliquer que ça fait quoi du streaming? Ça fait que ta bande passante augmente. Et toi, t'es obligé d'aller chercher un forfait à 10$ de plus chez Bell et Vidéotron. Eh oui. Yeah! Que moi, je vais prendre avec Marie parce qu'on est des gros dépenseurs de bande passante. Mais bon, c'est pas grave. Gravy. Mais ce qui veut dire également que les CD audio ne fonctionneront pas sur la PlayStation 4 également. Et c'est annoncé officiellement. Alors, les jeux PlayStation 3 ne seront pas transférables sur PlayStation 4. Donc, les jeux que vous avez achetés sur PSN, ben, vous pouvez pas les transférer sur votre PlayStation 4. Mais c'est dans mes cas! Idiot! Idiot d'aplomb, là! Sérieux! Ben, déjà pour quelque chose, qui t'a pris d'en profiter pour grosso modo à vie, pis ben Sony te dit, non, droit majeur, pis faut te le dire que je le pense. C'est très, très, c'est un bon PR, c'est du bon PR, écoutez! Mettons que je suis très, très déçu, surtout que quand tu vois, la Nintendo s'est forcé le cul pour faire que les jeux que t'as achetés sur Wii, soit transférable sur la Wii U. Mettons que ça me déçoit énormément. Et là, cette fois-là, supposément que cette fois-là, enfin, la PS Vita va pouvoir être intertransférable avec la PS4. Qui est en ouais. PS3, là, ça va marcher plus avec la PS4. Qui dit? J'achèterai pas plus. Non, toujours. C'est pas supposé marcher avec la PS3. C'est ce que je viens de dire. Ils ont posé de marcher avec la PS3, même que l'algorithme serait pas si difficile à ça qu'à faire dans la PS4, PSN, non, PS Vita, pardon. Mais le problème, c'est que, c'est comme dit Ben dans le fond, mais à l'inverse, Sony se force pas le cul pour bien faire leur travail dans cette chat-là. Non, ben, ils se forcent pas le cul, mais parce que c'est pour une raison, marketing. Ils vont vouloir vous continuer à vous vendre des PlayStation 3 pendant qu'ils vendent des PlayStation 4. Comme ils ont fait avec la PlayStation 2. Ils l'ont vendu quoi? Pendant quasiment 5 ans après la production de la PlayStation 3? La console continue à bien vendre. Effectivement, c'est vrai. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Côté capacité, Ben, tu jouais à la PS3. Rétro, t'as déjà joué à la PS3? Oui, mais j'en ai pas. Mais t'en as juste pas. Mais est-ce qu'on est d'accord pour se dire, puis même je demande aux gens qui nous écoutent, est-ce que t'es d'accord pour dire que même à ça, la PS3, les capacités de la PS3 n'ont pas encore atteint leur paroxysme? Fait que ça fait quoi de faire une PS4 dans le fond? À faire de l'argent à Sony! En fait, j'en ai une PS3, mais elle scrap. Hello, toi, comment tu vas? Elle est finie, elle est morte. Tu l'as pour quoi? Pour tenir mon café. Ah, ça c'est une bonne. C'est smart ça. Dis-moi pas que tu fais comme la plupart des petites madames qui appellent chez Vidéotron pour demander pourquoi que mon porte-gobelet s'ouvre pas. Ouais. Quand je l'ai entendu celle-là, je suis vraiment parti à rire. Hein? C'est vraiment un médium qui travaille dans un service à clientèle. Ouais. Tu me racontais ça. Ah mon dieu. La pédale marche pas, c'est la souris, elle l'a mis à terre. Et je vous rappelle que j'ai quand même compté que j'ai trouvé une tranche de ballonnet dans une PlayStation 2. Oui. Ouais. Quand vous travaillez dans des affaires de même, là, des magasins de jeux vidéo, ben des centres de service, là, on entend tellement de n'importe quoi, là, je vous avoue, là. Ouais. Essayez d'aller travailler là quand si jamais vous avez la chance, là, ou vous êtes jeune, vous pouvez travailler dans un magasin de jeux vidéo. Là. Allez-y, vous allez voir, vous allez rire en maudit. Fait que, sinon, passez à la manette. Qu'est-ce que vous en pensez de la manette de la PlayStation 4? Moi, je vais te dire une affaire. Ils font comme Nintendo. OK. C'est tout. Fait qu'ils ont... Ben, leur idée d'avoir un petit écran tactile sa manette, j'avoue que c'est vraiment copié également, là. C'est ça. Fait combien de fois qu'ils arrêtent pas de chialer, de rire de Nintendo, puis qu'ils copient ce Nintendo après? Depuis premier temps. Ah, Sony. On se rappelle-tu, dans le temps de la guerre entre PlayStation 1 et Nintendo 64, où Nintendo a eu la brillante idée de sortir un Rumble Pack? Et que quelques 6 mois plus tard, « Hey, nous autres aussi, on a une manette qui shake! » C'est vrai, pareil. Mais Harry, toi, t'as pas connu ça, je pense, hein? Le temps de 64 avec les Rumble Pack? Non, mais ça me tente pas juste en en faisant parler. C'est une belle époque. Ça, c'était une belle époque. Ça se butait, mais c'était amical quasiment. Ils sortaient des bonnes idées pareilles entre eux autres. Ouais, mais donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance. Je suis parti de la Super Nintendo, puis je me suis rendu à Wii tout de suite. J'ai pas dans mon temps. Entre les deux. Dans mon temps, on avait juste deux boutons sur la manette. A puis B. On n'avait pas besoin de ça, X, Y. On avait Start et Select. Non, ça compte pas, ça. Tu joues pas avec ça, là. Mais PlayStation ont fait disparaître le Stark et Select. Officiellement. Ça, c'est un viol collectif. Je viens de me faire raper. C'est un rape mental. Je pense que je vais dormir en position fœtus cette nuit. Oh my god. Ok, je peux jamais croire que des choses qu'on sort ici. C'est vraiment drôle. Fait que c'est ça, on est... on a quelqu'un, on a un Gaëtan Lavoie qui dit « Hey, le gros, les Québecs sont crissement mieux que toi et tes cartes. » Puis en passant, il y a un QC, Yann Glenn, lui, il est allé aux Oscars. Hein? Quoi? Ouais, il nous a écrit ça sur YouTube, notre cher Gaëtan. Gaëtan Lavoie! Gaëtan Lavoie de Montréal! Bon, ok. Il y a écrit « Hey, le gros, les Québecs sont crissement mieux que toi et tes cartes. » Puis en passant, il y a un Québécois, il s'appelle Yann Leglen, qui lui aussi, lui est allé aux Oscars. Parce que les Oscars veulent tellement dire quelque chose. Absolument. Excuse, Gaëtan, je veux pas être méchant avec toi, mais c'est notre opinion. Les Oscars. C'est juste un événement pour les riches pour se faire un événement de marde, finalement. Il y a énormément de films qui sont manquants aux Oscars, puis je trouve qu'ils mériteraient d'en avoir. Écoute, Gaëtan, je vais être bien fait avec toi. Oui, on a des Québécois qui y vont, mais quand même, le cinéma québécois, pour nous, il manque de quoi. Puis, juste mon opinion là-dessus, oui, le court-métrage, c'est pas un long-métrage, c'est un court-métrage qui a été mis en nomination en passant. Il est excellent! Le film Henri est excellent! Sauf que, avant qu'un vrai long-métrage se rende à ce point-là aux Oscars puis gagne, ça va... Selon moi, présentement, on n'a pas nécessairement les réalisateurs pour. C'est mon opinion. Oh. C'est ça, on n'a pas de genre, on n'a pas de créateurs de genre, surtout au Québec. On n'a pas des créateurs qui sont capables de faire. Je le dis, je le répète. C'est un peu ça le problème. Québec et Canada sont très très pointilleux dans les projets qu'ils vont investir, que souvent ça a créé la polémique. Ils ont peur de créer la polémique. Moi, je me rappelle là, OK, le fameux film de Falardeau 1839. Le 1830. Faut pas dire le 15 juillet. Le 15 février. 15 février 1839, je crois. Merci. Où il s'est battu 10 ans pour avoir eu son financement. Parce que Téléfilm avait peur de financer un film souverainiste. Regarde. En guillemets souverainiste. En guillemets souverainiste. Mais c'était un très bon film pareil. Mais. Tant si longtemps qu'on a des instances gouvernementales qui nous lient les mains. Et qui donne pas de financement à des créateurs nouveaux qui sont capables de créer avec de leur tête et pas avec de l'argent, ça marchera pas. Quand ça vient tard, en plus qu'il y a la jalousie qui rentre en ligne de compte, c'est là que ça devient de plus en plus décourageant. Ça devient vraiment décourageant. Ça va sujet, ben vite. Michel J.R. Croteau, mon cher Big Ben, est-ce que ça dit quelque chose? Michel Junior Croteau. Parce qu'il y a sur le YouTube. Salut les amis, je sais pas si tu te souviens de moi, Ben, Big Ben, avec CE au début des accros des jeux, mais on s'est jamais rencontrés. Ah, c'est Mitch. Oui. Salut Mitch. Je me souviens de toi. Désolé, on jase beaucoup de. ça fait longtemps. Oui, je me souviens de toi. Alors, inquiète-toi pas, je t'ai pas oublié. Voilà. Alors, non, c'est ça. Sinon, en passant, on a rapidement sur YouTube, on va regarder rapidement ce que les gens nous disent. À part ça, on a... tu veux-tu avoir un papy antithèse, mon cher antithèse? Ok, un nouveau personnage? Non, sans ça, non, parce que t'as déjà... Papy Grenier? La critique papy Grenier. À moins d'en faire une parodie de la critique de papy, Grenier, puis encore là, j'ai quand même du respect, puis je pense que tous les accroissiers ont du respect pour le joueur du Grenier, que même moi, j'oserais pas aller dans ce territoire-là. Puis le pire, c'est qu'il a tellement bien fait pour notre site, là, juste d'avoir fait de la pub déjà pour un des concours qu'on a fait. Je pense qu'on le touchera jamais. Puis c'est même intégré dans votre vidéo surprise des 2 ans, les accros? Je me confie sur des idées originaux. Et je pense que c'est également... je pense que tous les autres accros qui ici présents ont la même idée, ont la même philosophie. Ils préfèrent des idées, tu sais, plus de leur cru que emprunter l'idée d'un autre. Tout à fait. Rad, il dit que la manette PS4, pour lui, c'est juste la move rajoutée à la manette PS3. Mais bon, il attend de l'avoir en main. Je suis d'accord avec toi. Écoute, cette manette-là, je m'attends à rien. Mais vraiment à rien. Moi, j'ai pensé à la manette qu'on fait depuis le début des temps de la du PlayStation. Puis là, vous venez de me dire que l'écran est tactile. Puis, plutôt avant qu'on parte en enregistrement, moi, j'ai aussi dit que ça me faisait un peu penser à la manette de Dreamcast. Mais je parle le principe du Dreamcast, le VMU, sans que ce soit vraiment un VMU, de ce que je peux comprendre. Bon. Je vais attendre vraiment de le voir, que ça a l'air. Transporter avec toi n'importe où, quasiment, là, mais c'est pas le cas avec la manette de PS4, je penserais pas. Non, je pense pas. Puis on va checker un dernier commentaire avant de partir. C'est notre cher testeur Alpha qui dit que pour lui, c'est une gogosse qui va certainement pas m'attirer. Ça donne rien de plus. Le Python Start et Select fonctionnait bien, non? Effectivement. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien. Ben oui. Mais bon. Fait que, écoutez, je pense qu'on va embarquer tout de suite dans notre sujet parce que Marilyn veut se préparer bientôt pour son émission préférée. Qui s'appelle, Marie? Claude Legault à poil! Claude Legault. Je vais vous le dire en voix parce que personne ne va cacher dans l'audio, là, c'est 19-2. Mais on va commencer ça, notre sujet du jour. On parlera pas éternellement de la PlayStation 4 parce que oui, c'est bien le fun, mais j'ai tellement de merde que je vais attendre de la mettre de l'avoir entre les mains pour être sûr de pouvoir vous dire si c'est une bonne console ou pas. Vrai? Fait que déjà que j'ai pas de Wii U en ce moment, ben ça va attendre. Fait que on va commencer avec notre spécial top 3. Des meilleures consoles. J'avais idée de jaser rapidement, de donner notre avis sur nos consoles préférées entre nous autres, qu'on puisse voir que vous ayez la chance finalement de connaître un petit peu nos styles de jeu et nos styles également de gaming. Qu'est-ce qu'on a gamé auparavant et qu'on adore gamer? Alors, je vais commencer avec Marilyn qui se sentait hésitante tantôt. Je pense que tu avais un petit peu de misère. Est-ce que c'est vrai? Ben, pas nécessairement, mais j'ai comme une genre de... C'est une contradiction dans ma tête. Parce que ces temps-ci, je joue beaucoup PC. PC, est-ce que ça peut être un PC? Est-ce que ça peut être considéré comme une console de jeux vidéo? Ouais, quand même. Parce que quand tu as quand même la possibilité de jouer à tes jeux, en plus d'être cependant une console plus type universelle. Mais tu sais, c'est comme Dirty Angry Joe. Tu peux jouer à des jeux sur le PC, c'est quand même plate que ce soit délaissé, donc ça serait vraiment... C'est vrai que c'est plate que c'est délaissé. Parce que tous les jeux se font sur toutes les consoles inimaginables, sauf le 3/4 du temps, pas au PC. C'est vraiment plate. Ben, je te dirais que Le PC, il faut dire une chose, en France, je ne me rappelle plus, je pense que c'est un de mes amis qui disait que le jeu PC en France est bien populaire. La raison, c'est que les parents l'achètent aux enfants en pensant qu'ils vont faire leurs devoirs. Ouais. Mon œil. Mm-hmm. Mais on peut le considérer comme une console. Ou fait que oui, tu pourrais le placer dans ton top 3. Bon, ben ça va être facile de faire mon top 3 de console. Je vais juste rajouter de quoi avant? On va faire un top 3 et on va rajouter une console qu'on déteste. Attends, juste attends. Je juste que il est cute. Il arrive, il dit pourquoi vous achetez à Big Ben puis à Marilyn, pourquoi vous achetez pas une enregistreur HD pour regarder 19-2 un peu plus tard? Parce que Marie, elle écoute live. Elle pour elle, c'est live. Et après, elle va l'acheter en DVD parce qu'elle veut revoir toutes les petites scènes possibles. Mais elle veut pas manquer les fêtes de Claude Legault, hein? Surtout pas les fêtes de Claude Legault. Et j'imagine en plus qu'il va avoir un wallpaper sur son ordinateur dans pas long. Je pense pas que ça existe. C'est faisable. Tout est faisable sur Internet. Fait que tes trois consoles préférées puis celles que tu aimes pas. On commence par qui? Par toi. Toi. Ok. Je peux pas mettre ne pas mettre la Super Nintendo parce que c'est la première console à vie que j'ai jouée. Donc Super Nintendo. Après ça, le PC parce que ça a comme été la transition entre la Super Nintendo. Puis la Wii, donc je vais ajouter la Wii parce que c'est ce que j'ai joué le plus à date, aussi dans les consoles. Est-ce qu'on peut on considère ça aussi les consoles portables? On fait tout ensemble. Oui. Ben oui. Ça, il est fini. Non. Il faut que tu parles, Marie, hein? Rappelle-toi, on est en podcast audio. Oh, le code de ça a été coupé par Marie. Ton micro, Marie. Le micro veut pas! Marie, ton micro a pas marché. Ben, mon micro, il fonctionne en principe. Et voilà, il fonctionne. Alors, on recommence. Ok, je vais résumer au complet. Le Super Nintendo, parce que c'est ma première console à vie que j'ai joué, et c'est très nostalgique pour moi. Le PC, que je considère comme une... comme une console, dans mon cas. Et la Wii. Pour moi, parce que c'est les jeux que j'ai le plus joué, c'était sur la Wii. Mais il y a aussi la 3DS, que j'aime beaucoup, beaucoup, mais que je joue de moins en moins, malheureusement. Mais si tu avais à placer les trois, et tu en as trois à placer, Marie, dans ton ordre, 1, 2, 3, pour toi, ce serait quoi? Troisième position, le PC. Deuxième position, la Super Nintendo. Troisième position, la 3DS. Donc, tu as deux, trois positions? Deux, non, la première position 3D, excusez, c'est moi qui est fatigué. Il n'y a pas de problème, Marie, alors c'est correct. Elle a plus de goût dans la tête pour ça. Elle a très hâte d'aller voir ses fesses. Mais c'est correct. Marie, je vais le savoir tantôt, hein. Je vais manger des claques tantôt quand vous ne verrez pas ça. Oh non, c'est bien correct, je suis habitué. On va y aller avec PL. PL, t'es ton top 3 de tes consoles préférées puis ta console que t'aimes pas. Ben, j'y pense toute la semaine. Je pense à ça depuis que t'as proposé le sujet. Je suis obligé de te répondre que c'est comme si tu me demandais si c'était lequel mon enfant préféré de si j'avais plusieurs enfants. Mon Dieu, c'est dur. Ben, moi, je trouve que c'est facile, là, mais ça, c'est ton avis, là, écoute. Ouais, si Chris qui performe pas à l'école, tu peux bien dire que c'est pas ton préféré, Chris. Oh, les gars! Non, mais tabarnak! Je vous rappelle que Retro Gamer PQ se marie dans pas long, et que probablement qu'il y a des chances d'avoir des enfants. Et que probablement que sa fiancée doit écouter en ce moment. Non. Elle va écouter plus tard. C'est ça. Ou plus tard, en différé. Ouais, inquiète pas, c'est pas mal ce que je pense. mais essaye. Ok, au pire, tu dis tes trois préférés. Tu sais, J'ai beaucoup grandi avec l'Atari, j'ai adoré l'Atari. Ensuite, quand j'ai vu le Nintendo, c'est sûr que pour moi c'était une révolution parce que c'était l'Atari l'Atari version plus évoluée. Ensuite, on prend le Super Nintendo. Ah, ça c'est génial, c'est cool. Même si j'ai préféré le Sega Genesis, ça garde. 30 secondes. Je peux au moins te dire que, dis quoi, je me donne un petit peu au pif, parce que quand plus j'y repars, plus c'est eux autres qui reviennent dans la tête. C'est sûr que c'est PlayStation 1 et 2 quasiment ex aequo, PlayStation 1, ce serait mon top, ce serait genre ma deuxième position, ou, Nintendo DS, ça serait ma première position. Ce qui fait que ma troisième position, ce serait finalement le Nintendo 8-bit. C'est dur pour moi c'est lequel qui va où, quelle position, puis lequel je préfère le plus que d'autres, parce que dans le fond, la seule console que moi j'aime pas, c'est la Xbox. C'est plus pour des questions techniques. Puis le marketing de Microsoft que la librairie de jeux qu'elle offre, ou même ses contrôles. OK. Puis ta console que t'aimerais pas. Encore, mais je peux faire un résumé. En offre, je dirais à ce moment-là, ce serait Nintendo DS, suivi de PlayStation 1, suivi de la Nintendo originale. OK. Puis ta console que t'aimerais, que t'aimes le moins? C'est définitivement Xbox. D'accord. Pour qu'on ait des raisons de comment eux comment Microsoft l'a marketé, puis quand aussi pour par rapport aux les pièces qu'ils utilisent, la puissance, etc. J'ai des amis que je ne côtoie plus, je trouve ça très triste, du cégep, qui ont prétendu qu'ils seraient, eux, seraient capables de faire une Xbox avec des pièces, avec seulement des pièces d'ordinateur, parce qu'ils sont prétendant que c'est la même affaire. Fait que ok, on a, ils m'ont dit qu'ils étaient pour en faire un, mais quoi là ou non, ils ont, je pense que c'est Philippe a réussi, Philippe Aubary, Philippe, je me rappelle bien, a réussi à faire de toutes pièces un Xbox avec des pièces d'ordinateur. Est-ce que le Xbox en lui-même a toffé? Je le sais pas. Ah, ok. C'est très récent comme histoire, mais je l'ai vu, je suis là, voyons donc, ça se peut pas. Ok. Rétro, toi de ton côté? Première position, je mettrais le Nintendo. Deuxième position, le Super Nintendo. Puis, troisième position, je mettrais le Game Boy de Nintendo. Tu peux-tu nous élaborer un petit peu, s'il te plaît? Parce que, à cause de la librairie de jeux sur Nintendo, c'est bien étonnant, cette patente-là. Je sais que c'est parce que Marie, elle vient d'installer l'application, puis j'ai fait, je vais l'utiliser aussi, puis je regarde ça. On parle en passant, pour ceux qui nous écoutent live, en audio, c'est que on a des petits, sur YouTube, Hangout, on a des petits icônes qu'on peut mettre sur nos têtes, soit de la neige ou... Vous souvenez-vous, sur MSN, il y avait ça, en tout cas dans le temps, là, où vous pouviez rajouter de quoi sur la caméra? Ben, finalement, c'est ce que nos amis se font depuis tantôt. Ils se font des petits bonhommes. Fait que Nintendo pour la librairie de jeux, parce que la plupart des franchises que je joue encore aujourd'hui ont sorti en premier sur Nintendo. On parle de Mega Man, on parle Castlevania, et les Mario, il y a eu Mario sur Atari, là, mais c'est pas Super Mario Brothers. Zelda, bref, Contra, Dragon Quest, Final Fantasy, toutes les grosses franchises ont commencé sur Nintendo, fait que... Pour moi, c'est certain que Nintendo, la première console, elle tasse toutes les autres là, sans même se forcer. Super Nintendo, parce que c'est une machine qui a amené beaucoup de RPGs en Amérique du Nord. Encore là, les Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, toutes les grosses franchises de RPG, puis ce qu'il n'y avait pas sur le Genesis. C'est ça qui faisait la force, puis surtout que la puce de son dans Super Nintendo était bien supérieure à celle de Genesis, surtout pour les jeux RPG. Donc, oui, la sonorité des musiques était. Ouais, surtout pour les tunes orchestrales, puis choses comme ça. Pour Game Boy, parce que la librairie Game Boy, j'ai tellement joué avec le Game Boy original, ça a bol. Ben oui. Qui ne l'a pas fait? Ça a remplacé les Archie. Oui. En tout cas, j'ai encore en tête de vouloir essayer un Game Boy là, juste pour voir si on va jouer ou pas. Mais j'ai peur que ça prenne l'eau. Désolé, une salle de bain avec électronique, c'est pas une bonne idée! Ma console, la celle que j'haïs le plus, c'est ça? Ouais. Le Pong de Coleco. T'as ça, toi? Ouais. C'était ma première console. Ok. Ça se peut. Pauvre toi. Est-ce que ça devrait compter, vu que c'est juste... Hey, t'avais Pong, t'avais Baseball, t'avais Hockey, t'avais Tennis. Tout ça avec des gros carrés. Ouais, deux gros carrés dans l'écran qui fait pouf, pouf, pouf, pouf. Ouais. Ok, je vais aller de mon côté, ou bien je peux commencer avec ceux qu'ils nous ont écrits sur YouTube. Ah, super idée! YouTube, il y a du bon qui nous... intéressant en tout cas. Tai nous dit qu'en troisième position, c'est la Nintendo. Deuxième position, ça serait la Wii. Et la première, ce serait la Sega Genesis. Très, très différent comme liste que de nous autres. Puis il dit que la console qu'il détesterait le plus, c'est soit la Virtual Boy et la TurboGrafx 16. Là-dessus, j'hésite un petit peu. Je pense que j'irais plus avec la Virtual Boy que la TurboGrafx parce que c'est juste plate, la TurboGrafx a pas marché parce que c'était quand même une bonne console pareille. Il y avait des bonnes idées, mais il manquait de jeux. Ouais. C'est ce qui a tué la console. Peut-être que dans le fond, le vrai problème du TurboGrafx 16, c'était qu'il était peut-être trop en avance au fond de temps. Je te dirais que c'était plus... Oui, il était en avance de son temps, mais ouais. Le prix n'aidait pas. Il coûtait très cher. Ça coûtait très cher. Alors, pour lui, c'est ça. Rad, notre ami, il nous écoute présentement live de France, en passant. Salut mon Rad. Il est embarqué sur notre forum des accros. Il a gagné sa copie de Cave Story Plus. Nice. Oui, félicitations. Alors, lui, il nous dit que troisième position, c'est sa Game Boy. Sa deuxième position, ce serait la PlayStation 1. Et le fucking chanceux, en numéro 1, Neo Geo Cartouche. Monsieur est riche, et c'est vrai. Ah, barnac. Ça vaut extrêmement cher, même à la sortie, ça coûtait très très cher. Ok, oui. Oui. C'était combien quand ça sortit? Je m'en souviens plus. Je pense que c'était dans les 800, 900. Entre 700 et 800. C'était des grosses, grosses cartouches, là, cette grosse, là. C'était plus gros quasiment que deux cassettes de VHS ensemble. C'était immense, ouais. C'était très immense. Alors, sinon, à part ça, je regarde rapidement. Je vais. Tester Alpha, ami, aussi. Tu veux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui. Ben, monsieur Tessera forme en troisième position la Nintendo 64. En deuxième position, la Super NES. Et en première position, la NES. Puis il dit que sa pire console, c'est la Xbox 360. Oh, il ose. Je te dirais que 64, tu m'étonnes. Parce que c'est moi la mienne. C'est pas une de mes préférées. C'est pas ma pire, mais c'est pas ma préférée parce que la manette, le manque de support CD et la manette ont vraiment fait mal. Les manettes pétaient à rien. Puis on en a déjà parlé, quand tu as vu que la manette est quasiment aussi grosse que la console elle-même, il y a un problème. Pas mal. Fait que, non, c'est ça, ça a fait. Tu sais, surtout le joystick était scrap à rien, là. Alors, là-dessus, c'était vraiment chiant. Sinon, y en avait-tu d'autres rapidement sur Twitter, Marie? Pas sur Twitter, mais sur YouTube. C'est là que je prends la plupart des gens qui jasent, parce qu'il y a personne sur Twitter. C'est vraiment décevant. Donc, sinon, c'est encore Ty qui est le seul à écrire sur le Twitter. Puis, il utilise même pas, encore une fois, il n'utilise pas le hashtag. Bon, pour la prochaine fois, il va être capable de faire le hashtag, mais c'est pas grave, on va continuer. On va voir. Alors, moi, je vais y aller avec les miens d'abord. Oui. Alors, pour moi, en troisième position, je vais y aller avec la Super Nintendo. Ma raison, c'est que j'ai tellement passé d'heures à jouer à Zelda, Metroid, en pleine nuit, à jouer jusqu'à 2-3 heures du matin, à jouer à ces grands jeux-là. J'ai jamais eu la chance de jouer au RPG qui était sorti là-dessus, mis à part Mario. Mais les jeux comme Zelda, Metroid, Super Mario Bros., ça m'a vraiment fait passer énormément de temps là-dessus. Et Marie peut même le dire, elle voit très bien que je joue souvent encore à ces consoles-là. C'est dans mes consoles préférées. Deuxième, j'irais avec la... je suis beaucoup PC. Je pense que j'irais PC. Ce qui est le fun avec le PC, c'est que j'ai passé... surtout WoW. WoW m'a fait passer énormément de temps là-dessus. Mais pas juste ça. J'ai joué à Warcraft, j'ai joué à Starcraft, j'ai joué... Les nombres d'heures, j'ai joué à Unreal Tournament 2004. C'est fou le nombre d'heures que je jouais puis que j'ai appris mon anglais à envoyer chier les anglais. J'ai toujours dit, j'ai appris l'anglais en envoyant chier les anglais sur Internet. Ben, c'est souvent comme ça que tu apprends mieux une langue de toute manière. C'est d'abord en étant vulgaire. Stop killing me! You motherfucker! Motherfucker! Ah, oh, ça sonne mal, hein? Très mal. Tu sais que je parle mal. Et première position, j'irai avec la PlayStation 2. Pourquoi? C'est que dans le temps où j'ai commencé à jouer avec la PlayStation 2, c'était le temps où je venais de commencer à travailler dans les clubs vidéo. Puis j'ai découvert tellement de jeux sur cette console-là. J'en ai passé des nuits blanches à jouer à Devil May Cry, à Resident Evil. J'ai joué à Grandia, j'ai joué à tellement de très très bons jeux. Des jeux que du monde, des fois, connaissent pas en tout, puis qui sont bons, mais c'est juste qu'ils ont passé en dessous du radar. Mais ils sont géniaux. La série Duck Hack. Ah, Duck Hack, excellent. C'est tellement bon, là. J'ai vraiment trippé. Et ça reste, pour moi, c'est une de mes consoles préférées. Rétro-compatible avec la PlayStation 1. Les cartes mémoire marchaient toutes. C'était dans le temps où Sony pensait à nous. Il disait, ah, mais mon PlayStation 1, on va toutes les transférer, c'est PlayStation 2, tout va marcher. Et c'est fini. Ce bon vieux temps-là. Très dommage. Ils vont plus penser sur le download puis le download. Ouais. Alors, avant de finir, on va le dire bye-bye à Marie parce qu'elle a son show à vouloir aller écouter. Marie, comment on peut te contacter sur Internet? Il y a pas mal de manières. La première, c'est toujours mon courriel qui est toujours disponible et que malheureusement, personne n'essaye de me contacter par là. Je suis un petit peu triste, mais je vais le dire quand même, c'est vlog de Marie-Lune en un mot, @commercial@gmail.com. Sinon, on peut me contacter via Twitter au terrien.mariev. On peut me contacter via le forum d'Accro des Jeux en tout temps via message privé ou sur les sujets. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et via YouTube également, sur mes deux chaînes, Vlog de Marie et Création ML pour les Accro des Jeux. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Marie. Marie. Ben, ça me fait plaisir. Bye-bye tout le monde. Bye-bye, bon, Marie. Agréable. Alors, on est rendu les trois. Alors, je vais y aller avec ma pire console. Et pour moi, la pire console que j'ai eue, c'est la 32X de Sega. Ah, mais c'était pas juste un add-on de Genesis? Oui, c'est un add-on, mais c'est un add-on qui m'a fait sacrer en tabarnak. Parce que ceux qui ont le modèle Genesis 2 avaient la chance de pouvoir juste mettre l'add-on automatique. Puis, il n'y avait pas d'ajustement ou quoi que ce soit à rajouter. Mis à part peut-être une cartouche sur le côté, mais c'était correct. T'sais. Mais moi, il fallait que j'avais le modèle 1 Genesis. Et pour que ça marche, il fallait que je mette des petites grilles en aluminium qui étaient fournies avec la 32X dans mes portes de la 32X. Ça, t'sais. Et ça me prenait 45 minutes à enlever ça, à rajouter ça, parce que le pire, c'est que dans le temps, j'aimais les jeux de hockey. Mais quand tu jouais des jeux de hockey sur la 32X, les vieilles cassettes de Electronic Arts, les batteries fonctionnaient pas. Alors, à cause de ça, je perdais mes saves du hockey parce que mon 32X fuckait ma cassette. J'étais en tabarnak. Et je trouvais que j'avais une petite librairie de jeux. J'avais comme 3-4 jeux, là. J'en avais pas beaucoup. Puis ça valait vraiment pas la peine, fait que je l'installais jamais. Fait que non, c'est ce que j'avais à penser de mon top 3. Fait que troisième position, la Super Nintendo. La 2, le PC. En première, la PlayStation 2. Puis ma pire, c'est la fameuse 32X. Fait que... J'avoue, là, ça a été difficile à choisir. Je pense que c'est difficile pour tout le monde aussi. À part pour Retro? Ouais. Ben, ça a été difficile quand même. Oui, j'avoue. La troisième place, là, c'est entre DS, 3DS et Game Boy. Mm-hmm. Parce qu'on passe tellement de temps sur ces petites consoles-là, en plus, là. C'est pas juste. Non, je suis méchant avec mes membres des accros, hein. Faut que je l'avoue. Non, pas vraiment. Je veux dire, ça reste que c'est quand même été parmi un des débats les plus intéressants qu'on avait. Une des questions que je suis sûr que notre public voulait savoir. Mm-hmm. Je suis sûr et certain, je suis convaincu de ça. Mm. Voyez-vous, pour Tester Alpha, il explique un petit peu son raisonnement par rapport à ça. Lui, il dit que la 64, lui, c'est parce que c'est un facteur nostalgique. C'est vrai, t'as quand même des bonnes raisons. Zelda 64, c'est un excellent jeu qui est sorti sur 64, puis je l'ai toujours bien aimé. Et il dit pour la Xbox 360 parce que c'est le Red Ring qui a scrappé deux Xbox 360 en moins de 5 ans. C'est-tu l'original ou la Slim? Sûrement les originaux. Parce que la Slim, ils l'ont enlevé, le Red Ring. Ils ont mis d'autres choses. Que moi, ma Slim n'a jamais planté. Ben, moi, j'ai encore j'ai un modèle Elite, puis elle est correcte encore, mais je sais que des fois, elle a des fruits, elle buzz, fait que je sais qu'avant que la nouvelle Xbox s'en vienne, il faut que je regarde pour m'acheter une autre Xbox, pour qu'au moins qu'elle me toffe un petit bout. Sinon, on a Michel Croteau qui nous dit que ses trois consoles à lui, c'est en troisième position la Super Nintendo, la deuxième la N64, puis la 1 la Wii U. Le chanceux a une Wii U. Alors, félicitations à toi. Puis Philippe Saint-Jean, il dit pour la PlayStation 2, un de ses meilleurs jeux selon lui, c'est la Kingdom Hearts. Oui, tout à fait. Kingdom Hearts, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un de mes jeux préférés sur cette console-là. Et Rad qui dit la 32X, c'était du grand foutage de gueule, surtout que la Sega Saturn sortait peu de temps après. Je suis totalement d'accord avec toi. Tellement vrai. Fait que non, c'était notre top 3 des meilleures et le pire console selon nos goûts. J'espère que vous avez apprécié les accros. Je pense qu'on va finir là, les accros. Mm. Fait que ben Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre au courriel antithèse@yahoo.ca ou @gmail.com. On peut me suivre sur Twitter @antithèse16 SAYS. Mais la meilleure façon, je le répète, et ça me fait toujours plaisir de le dire et de le répéter, c'est sur le forum d'accrodesjeux.com, puisque j'y vais quand même assez fréquemment dans mes journées pour voir ce que vous marquez, répondre à des questions si au besoin, et jaser avec vous deux petites news comme ça pour tant que faire. C'est le fun. C'est le fun aujourd'hui, c'est le forum. Ben oui. On a du bon. Rétro, comment on peut te contacter sur les internets? Toujours par le forum d'Accro des Jeux, ma page Facebook de Rétro Gamer PQ, ben mon channel de Rétro Gamer PQ, puis d'ailleurs j'ai des vidéos qui s'en viennent. Oh, ça s'en vient, parce que le mois de mars s'en vient, et se prépare tranquillement. Moi, il m'a parlé de ses idées, là, puis ça va être fucking bon. Ça va être intéressant. Moi, dans mon cas, si vous voulez me voir sur, si vous voulez jaser avec moi sur Internet, vous pouvez me rejoindre via le Twitter des Accros des Jeux, à commercial Accros des Jeux. Vous pouvez me rejoindre via le courriel des Accros des Jeux, Accros des Jeux à commercial gmail.com. Il y a également le forum, mais une des meilleures façons de me rejoindre, et passer sur le forum, sérieusement, il y a du stock à tour de bras, c'est vraiment le fun. Si jamais vous cherchez du stock, on a une section vente, achat, échange, et il y a un gars qui vient de poster de quasiment 2000 piastres de vente. Ah ouais? Juste pour vous dire, oui, allez voir, Kenick vient de poster, si vous avez, si vous voulez avoir peut-être un Earthbound, il en vend un à 250$, mais négociez. Négocier avec, on sait jamais. Et sinon, ben mon Facebook, je prends pas les invites personnels, surtout les Russes qui essaient de devenir amis avec moi, je comprends pas. Il y en a beaucoup des sites, hein? Ouais, t'en as reçu, toi? Oui, on a reçu. Les belles Russes pulpeuses, là. Ouais, hein, ils ont des gros totons, puis on sait pas pourquoi, là. Ils ont plus aucun ami avec toi. What a real Russian woman? Mm-hmm. Oh oui, écoute, moi, je pogne avec les Russes. sinon, à passer, il y a le Facebook des accros. Allez-y, hey, on est rendu à quoi? 211 personnes qui sont dessus. C'est vraiment cool. Donc, si jamais ça vous tente d'embarquer avec nous autres, venez jouer avec nous autres. On poste plein de photos niaiseuses. On a aussi également les vidéos de TCK qui font du gaming une fois de temps en temps, puis quand il en fait, ben il poste sur le Facebook des accros. Fait que allez voir ça. Alors, ceci conclut notre podcast des accros. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci les gars. Merci à toi de nous avoir. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast des accros. D'ici là, sayonara. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Pour le podcast des accros, l'édition du 25 février 2013. Merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine.